France Inter. Le 13-14. Le premier conseil des ministres du gouvernement Borne s'est donc tenu ce matin. L'écologie est affichée comme une priorité de l'équipe. Pas moins de 4 personnes, dont un secrétaire général à la planification écologique, sont en charge du sujet qui est censé irriguer l'action de tous les ministres. Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire aujourd'hui, le premier ministère de l'Environnement qui avait été confié non pas à Pierre Poujade, l'homme du poujadisme, mais à Robert Poujade. Le président Georges Pompidou, en 1971, avait taillé ce poste sur mesure au maire de Dijon, qui était une vraie personnalité politique avec un poids. On a beaucoup médit de Pompidou. Il donnait la priorité à la souveraineté industrielle, mais ne réapparaît-elle pas dans la titulature de Bruno Le Maire à Bercy ? Il a élaboré une stratégie nucléaire, mais n'est-on pas en train de la relancer? Bon, il voulait que les villes s'adaptent aux voitures, mais il défendait aussi les arbres. En tout cas, les platanes des routes du Sud, sur lesquelles s'enroulaient les voitures. En tout cas, il avait redécouvert le mot « environnement ». Terme français du XIIe siècle, mais qui était passé dans l'orbite de l'anglais. Au début des années 70, il existait à Washington une puissante agence fédérale de l'environnement et le Royaume-Uni avait créé le premier, un grand ministère de l'environnement. Et le mérite de Pompidou, ça a été de leur donner un petit frère à Paris. Tout petit frère, doté de très peu de moyens. Edgar Faure disait, vous serez d'abord, il zozotait, un ministère de la parole, vous brasserez des idées, si vous voulez, se peut vous en prêter sans frais. C'était un ministère dont on attendait qu'il agisse en commando dans les situations exceptionnelles les années précédentes. Un incendie de raffinerie à Fézin, la marée noire du Torrey Canyon avait lancé les premières alertes. C'était aussi ce ministère un chaînon de l'interministériel. Poujade s'insinuait le plus qu'il pouvait dans les échanges entre cabinets. Un jour, président d'une réunion sur le plan, Pompidou s'étonna de le voir paraître. Ah, vous, ici, aujourd'hui, on nous promet que toute la planification sera écologique. Mais c'est sûr, les moyens manquaient. Le ministère réussit néanmoins à arracher un peu de chair à plus puissant que lui, la surveillance des établissements dangereux, la protection des sites naturels classés, la chasse. Il s'établit en coucou dans un lieu prestigieux, l'hôtel de la Marine, rue Royale. Poujade, quelquefois, empruntait aux locataires historique de l'endroit, quelques fusiliers marins pour faire le long du grand escalier une haie d'honneur aux visiteurs de marque. Mais de là à pouvoir imposer des lois dans le calendrier, c'était une autre affaire. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que des lois soient signées par ses lointains successeurs, Lalonde, Lepage, Voynet. D'ailleurs, le titre que Robert Poujade a consacré à son expérience est resté, le titre du livre, Le ministère de l'impossible. Oui, mais c'était un disciple du général. Apprenez, Bruno, qu'impossible n'est pas gaulliste. Et il concevait son rôle comme celui d'une administration de mission. La difficulté de la tâche est davantage apparue quand le ministère a essayé de devenir un ministère classique, vous voyez, solide, une ébauche de grand ministère. Alors il est apparu qu'il n'avait pas la main sur les administrations clés et qu'il comptait beaucoup d'adversaires. Qui plus est, sa ligne a été souvent sinueuse. Il ne faut pas oublier que certains des titulaires du poste, je pense à Corinne Lepage, dénonçaient l'addiction au nucléaire, je la cite, alors qu'aujourd'hui on repart pour un round dans la matière. Et le ministère n'a cessé de changer d'intitulé, très important dans l'histoire. Oui. Quand Robert Poujade s'en va après la mort de Pompidou, l'écologie apparaît dans la société civile. René Dumont se présente, pull rouge, verre d'eau, oui, sur la table, dans la campagne présidentielle, 1974. Attention, demain, l'eau manquera, prévient-il. Robert Poujade en était venu, lui, à s'interroger sur la croissance et le but de la croissance. Il espérait que les règles de la comptabilité nationale changent et qu'une nouvelle comptabilité écologique prenne le relais qui intégrerait les coûts négatifs de l'épuisement des ressources. À bien des égards, il faut le dire, hein, Poujade était plus écologiste qu'aujourd'hui Madame de Montchalin et Panier Runacher, nouvelle responsable de la transition. Vous remarquerez la formule d'ailleurs, transition. Nous avons eu auparavant développement durable. En 2007, on parlait de ministère de l'écologie et du développement durable. Le substantif écologique, dans les titulatures, n'est jamais employé seul. Et maintenant, de substantif, il passe à adjectif. Développement durable, transition écologique, c'est mieux dans les titulatures, Bruno, que la rupture. Disait André Gide, qu'est-ce qu'il disait André Gide? La pente quand même, le dénivelé, c'est fait pour être remonté. André Gide, qui est un des maîtres, vous le savez, d'Emmanuel Macron. Jean Lebrun, le vif de l'histoire et de qui? Et de Jean-Pierre Raffarin? On dirait du Raffarin. On dirait du Raffarin. La pente est faite pour être remontée. C'était une remarque de Frédéric Pommier. J'ajoute que ce fameux ministère qui a si souvent changé de titulature a sa revue d'histoire qui s'appelle Pour Mémoire. On peut la consulter? Ben, elle est même sur papier. Elle est sur papier. Eh ben, très bien, c'est noté. Merci Jean Lebrun. France Inter.